Enseignement par Sayadaw Upanyaswamy. Retraite Vipassana 2003. Centre de méditation d'Amarancy. Explain you earlier how to report your experience. Je vais vous expliquer comment vous devez présenter vos expériences à l'entretien. Vous aurez donc pratiqué toute la journée jusque tard le soir vers 10 heures. La première chose dont vous devrez parler à l'entretien, c'est du nombre d'heures que vous avez passées en posture assise et en marche. Vous allez ensuite expliquer comment vous avez médité en posture assise. Il n'est pas nécessaire de décrire en détail toutes les séances. Vous devez choisir les meilleures. Vous commencez par décrire la façon dont vous avez médité pendant la posture assise. Vous expliquez comment vous avez observé les mouvements de l'abdomen. Si vous pensez avoir été capable d'observer attentivement et avec précision les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous devez le dire. Vous expliquez par exemple qu'au moment où vous observiez le mouvement de soulèvement, vous avez ressenti une sensation de dilatation. Au moment où vous observiez le mouvement d'abaissement, vous avez ressenti une sensation de dégonflement. Ou bien, vous expliquez que vous avez ressenti un mouvement vers le haut ou un mouvement vers le bas. C'est ainsi que vous devez décrire votre méditation. Il faudra également que vous disiez pendant combien de temps vous avez été capable d'observer ces mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen sans interruption. Mais il ne faut pas compter ces mouvements. Il faudra également que vous parliez de l'esprit. Si vous n'avez pas été capable d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, était-ce dû à des vagabondages de l'esprit? Si c'est le cas, avez-vous noté l'esprit qui pense? Avez-vous pu noter les pensées, les imaginations, les projets d'avenir, etc.? Il est demandé aux méditants de s'efforcer de noter les pensées, les réflexions, les imaginations au moment précis où ces choses se manifestent dans l'esprit. Vous devez expliquer à l'entretien comment vous avez noté ces pensées. Avez-vous été capable de les noter au moment précis où elles se manifestaient, immédiatement? Avez-vous vu qu'elles disparaissaient? Ou au contraire, n'avez-vous pas été capable de noter les pensées au moment précis où elles se manifestaient? Que s'est-il passé alors? Cette pensée s'est-elle prolongée? L'avez-vous suivie? Si vous l'avez vu disparaître, qu'avez-vous fait? Êtes-vous revenu au mouvement de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen? Il faudrait que vous parliez également des sensations. En avez-vous ressenti? Était-elle agréable ou au contraire désagréable? En général, ce sont les sensations désagréables que les méditants expérimentent. Lorsque ces sensations désagréables se sont manifestées, qu'avez-vous fait? Avez-vous réussi à les noter? Il faudrait que vous en soyez capable. Si vous avez réussi à noter les sensations désagréables, qu'avez-vous expérimenté ensuite? Les instructions exigent que l'on dirige son attention vers la sensation désagréable à l'instant précis où elle se manifeste. Nous devrions donc observer attentivement la sensation désagréable en répétant mentalement « douleur, douleur ». Si nous avons réussi à mettre les instructions en application et à donc diriger notre attention vers la sensation désagréable, si nous avons réussi à la noter, qu'avons-nous expérimenté? Avons-nous réussi à voir qu'elle augmentait d'intensité ou qu'au contraire elle diminuait d'intensité? Avons-nous vu que par moment elle se déplace, par moment elle reste au même endroit? Un méditant qui observe très attentivement est en mesure de voir que la sensation douloureuse peut prendre toutes sortes de formes. C'est tout cela que vous devez décrire à l'entretien. En posture assise, il arrive également que des méditants expérimentent des images, des lumières. Ceci est dû à une forte concentration. Mais quel que soit le phénomène mental qui se manifeste, il faut le noter. Si le méditant a des visions, par exemple, il doit noter, voir. Si c'est votre cas et que vous avez eu des visions pendant la méditation assise, vous devez expliquer à l'entretien ce que vous avez fait. Avez-vous été capable de noter, voir? Et que s'est-il passé ensuite? L'image a-t-elle disparu ou s'est-elle prolongée? Il est également possible que vous entendiez des sons, que vous sentiez des odeurs. Avez-vous été capable de noter tous ces phénomènes? Un débutant n'est pas toujours en mesure d'expliquer clairement ses expériences méditatives à l'entretien. Mais ce n'est pas la façon dont on présente les expériences à l'entretien qui est importante. Ce qui est important, c'est de pratiquer correctement. Le professeur doit savoir si vous pratiquez correctement. Quoi qu'il en soit, si vous réussissez à pratiquer correctement, vous pourrez expliquer très naturellement et très facilement ce que vous avez expérimenté. Lorsque vous présentez vos expériences méditatives à l'entretien, vous devez le faire selon un schéma en trois phases. Vous mentionnez d'abord l'apparition de l'objet, ensuite la façon dont vous l'avez annoté et enfin ce que vous avez expérimenté. La première phase, c'est donc l'apparition de l'objet. Vous voyez apparaître l'objet. Ensuite, vous allez l'étiqueter mentalement. C'est l'annotation. La deuxième phase. Imaginons par exemple que nous soyons occupés à observer les mouvements de l'abdomen. Nous voyons apparaître le soulèvement. C'est l'apparition du phénomène. Vous devez immédiatement noter soulèvement, soulèvement. C'est la deuxième phase, l'annotation. Lorsque l'abaissement apparaît, c'est l'apparition de l'objet, première phase. Le yogi doit noter abaissement, abaissement. C'est la deuxième phase. Si une sensation se manifeste quelque part dans le corps, c'est l'apparition du phénomène. Le méditant doit immédiatement noter démangeaison. Démangeaison. Si pendant la méditation vous procédez ainsi et que vous êtes capable de voir apparaître l'objet et ensuite de le noter, vous n'aurez pas de difficulté à expérimenter, c'est-à-dire la troisième phase. Si par exemple vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et que vous êtes capable de les noter, vous expérimenterez non seulement une sensation de mouvement vers le haut et vers le bas, mais encore beaucoup d'autres choses. Mais s'il vous plaît, ne recherchez pas les sensations, ne recherchez pas les expériences. Contentez-vous d'être simplement attentif de façon pénétrante. Pratiquez ce que le Bouddha a appelé l'attention pure. Si vous êtes capable d'être simplement attentif de façon très précise, vous verrez les choses telles qu'elles sont réellement, et ceci va se produire naturellement, spontanément. Souvenez-vous, s'il vous plaît, de la signification de Vipassana. Tout ce qui se manifeste aux six portes sensorielles doit être noté. Donc, lorsque nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, nous pourrons parfois constater qu'à certains endroits du corps, il y a de la douceur, de la dureté, du froid, du chaud, du mouvement, des pressions, etc. Il faudra que vous notiez toutes ces choses. À l'entretien, vous devez expliquer par exemple que vous étiez occupé à observer le mouvement de soulèvement de l'abdomen quand subitement une sensation de chaleur est apparue quelque part dans le corps. J'ai noté chaleur, chaleur ou brûlure, brûlure. Et lorsque j'ai noté brûlure, brûlure et que j'ai observé attentivement, j'ai expérimenté l'intensification de cette sensation de brûlure, ou encore la diminution de l'intensité, ou encore la disparition de la sensation de brûlure. L'expérimentation, c'est la troisième phase, la sagesse, la compréhension. Lorsque vous aurez fini d'expliquer la façon dont vous avez médité en posture assise, vous allez passer à la marche. Vous commencez par expliquer comment vous avez pratiqué la première méthode, comment vous avez noté pas gauche, pas droit. Vous devez expliquer dans quelle mesure vous avez été capable de suivre attentivement le mouvement. Si vous avez été capable de le faire, vous devez expliquer ce que vous avez expérimenté. Essayez donc de respecter le schéma en trois phases. Vous dites d'abord dans quelle mesure vous avez été capable de voir apparaître l'objet, ensuite de l'étiqueter mentalement, et enfin, vous expliquez ce que vous avez expérimenté au moment où vous observiez attentivement le mouvement. Vous dites par exemple que vous avez pu noter pas gauche, pas droit, et que vous avez pu suivre très attentivement le mouvement. Vous expliquez ensuite qu'au moment où vous notiez et observiez attentivement le pas gauche, vous avez ressenti une sensation de mouvement. Que lorsque vous avez observé attentivement le pas droit, tout en le notant, en l'étiquetant, vous avez ressenti une sensation de mouvement. Si vous présentez vos expériences de cette façon, le professeur pourra se rendre compte que vous avez réussi à expérimenter. Ressentir le mouvement, c'est en effet la troisième phase, l'expérimentation. Lorsque votre attention se sera développée, vous verrez encore beaucoup plus de détails. Lorsque vous avez atteint la piste de marche, avez-vous été capable de noter la posture debout? Avez-vous étiqueté ce phénomène en répétant mentalement « debout, debout » et ensuite, qu'avez-vous expérimenté? Vous devriez être capable de ressentir des sensations, par exemple, de la dureté, des pressions, de la chaleur, du froid, etc. Il est très probable que vous ressentiez toutes ces sensations lorsque vous observez la posture debout. Il est possible également que vous ressentiez des sensations mentales. Tout cela doit être décrit à l'entretien. Au moment où vous tournez, êtes-vous capable de noter ce mouvement de rotation? Êtes-vous capable de le suivre avec précision? Et qu'avez-vous expérimenté au moment où vous observiez ce mouvement de façon très précise? Parfois, les méditants ont des difficultés pendant la pratique. Leur esprit vagabonde beaucoup, ils font des erreurs et notent par exemple pas gauche quand c'est en fait le pied droit qui s'avance. Il faut mentionner toutes ces difficultés également. Ne vous en faites pas si vous ne réussissez pas à présenter l'entretien de façon parfaite. La troisième phase, l'expérimentation, est difficile et ne vient que progressivement. Essayez tout simplement de dire dans quelle mesure vous avez été capable de noter les objets qui sont apparus. Si vous réussissez à le faire, vous réussirez très rapidement à expérimenter toutes sortes de choses. L'expérimentation, la troisième phase, est très importante, mais vous ne devez pas vous focaliser sur cet aspect. à l'entretien, expliquez tout simplement si vous avez pu noter. Si vous vous focalisez exagérément sur la troisième phase, vous ne noterez plus correctement, car au lieu de simplement noter les phénomènes, vous allez y penser. Vous allez vous mettre à espérer certaines choses, à anticiper, au lieu de noter attentivement. Et si malgré tout il vous arrive de réfléchir pendant la pratique, vous devez noter, réfléchir, réfléchir, penser, penser. Si vous espérez quelque chose, vous devez noter, espérer, espérer. Tout ce qui se manifeste dans l'esprit doit être noté à l'instant précis où cela se manifeste. Plus votre attention va se développer, plus votre esprit va s'ouvrir. Et vous terminerez l'entretien en expliquant comment vous avez médité pendant les activités quotidiennes. Ici, vous devrez être assez bref car il n'y a pas beaucoup de temps et il y a beaucoup d'étudiants. Expliquez simplement dans quelle mesure vous avez réussi à pratiquer l'attention dans les activités quotidiennes. C'est donc de cette façon que vous devez présenter vos expériences méditatives au professeur au moment de l'entretien. Si vous procédez ainsi, vous allez gagner beaucoup de temps et le professeur pourra se faire une idée très exacte de votre pratique. Il arrive souvent que les étudiants perdent leur temps à expliquer certaines choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. C'est pour cette raison que nous expliquons toujours comment il faut présenter l'entretien. So that's all. How to report your experiences. So half an hour remains. Please continue your practice. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Then may you understand the Dhamma clearly. Sadhu, sadhu, sadhu.